La délégation du ministère coréen des Affaires étrangères, conduite par le directeur de département Ho Yong-bo, en visite en République de Guinée, a rencontré le vent de courant Makale Camarin, ministre guinéen des Affaires étrangères et des compatriotes d'outre-mer. Le chef de la délégation coréenne a parlé du soutien désintéressé accordé par les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il à la lutte guinéenne pour l'édification d'une société nouvelle et de la création des prodiges innovations des militaires et civils coréens dans la lutte pour édifier une puissance économique et améliorer la vie du peuple sous la direction du respecté camarade Kim Jong-un. Il a ensuite souligné de développer au plus haut niveau les relations bilatérales. Le ministre guinéen a dit que les relations coréo-guinéennes particulières ont de longues histoires et traditions grâce aux dirigeants précédents des deux pays et que les deux pays ont développé étroitement les rapports d'amitié et de coopération dans tous les domaines politiques, économiques et culturels et les maintiennent invariablement aujourd'hui aussi. Il a exprimé la volonté d'approfondir les relations d'amitié et de coopération bilatérale et de développer toujours du soutien et de la solidarité envers la Corée. Le même jour, le chef de la délégation coréenne a rencontré le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et des compatriotes d'outre-mer de Guinée. Les deux côtés ont convenu de développer davantage les rapports d'amitié et de coopération bilatéraux ayant de longues histoires et traditions et échanger les opinions utiles aux problèmes d'intérêt commun. Le chef de la délégation coréenne a pendant son séjour rencontré respectivement les ministres de l'Agriculture et du Commerce guinéen pour développer les rapports bilatéraux dans divers secteurs.